Bonjour, donc Étienne Arnat, parce qu'on est au Québec. Donc vous avez pu présenter donc ce matin Libre Accès, comment s'y rendre, donc au colloque sur la révolution de la science ouverte. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà en quelques mots? Je suis chaire de recherche du Canada en sciences cognitives à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et professeur de web sciences à l'Université de Southampton. Et je mène une énorme campagne pas réussie depuis 25 ans pour le libre accès. D'accord. Donc dans le cadre de Acure PSJ, je fais ces petites interviews avec toujours trois questions. Et ma première question, c'est pour vous, quel point majeur ne va pas dans la recherche aujourd'hui ? C'est vraiment la subvention de la recherche qui est plus importante que l'accès libre. Donc je devrais dire qu'on ne consacre pas assez d'argent à la subvention des recherches. D'accord. Et vers quoi vous voulez que la recherche tende demain ? Je ne peux pas changer la subvention, mais je peux changer l'accès. Et je peux espérer que si on rend la recherche plus accessible à tout le monde et puis plus productrice, alors ça va peut-être augmenter ses appuis. D'accord. Voilà, donc c'est l'accès libre. Et j'ai beaucoup aimé, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est que la paralysie de Zénon ? La paralysie de Zénon, ça commence avec le paradoxe de Zénon, qui était qu'on ne peut pas traverser la chambre parce que ça prend un certain temps, et puis pour traverser la moitié, ça prend un temps aussi, et même le quart, donc on ne peut jamais commencer. Ça, c'est une paralysie qui n'existe pas en vérité, ça peut nous empêcher de faire quelque chose, et puis il n'y a pas vraiment d'obstacle. Dans le cas de l'accès libre, c'est le fait que les chercheurs se disent 38 bêtises qui les empêchent de déposer leurs écrits libre d'accès sur Internet au moment où ils sont acceptés à la publication. Bref, il n'y a pas d'objection valable, mais ils se disent des... D'accord, ils se mettent des barrières. C'est ça. Et vous avez un message pour les jeunes chercheurs ou tous les chercheurs en général à faire passer ? Le message est que n'attendez pas à ce que ça soit votre point de vue qui va prévaloir, et ça va prévaloir dans une génération, c'est certain. Le problème avec la science, c'est le point de vue de ceux qui sont maintenant encore... disons, en pouvoir, et vous devez les convaincre, au moins, en ce qui concerne l'accès libre, les convaincre à rendre ça obligatoire. C'est tout ce qu'il y a de naturel, c'est ce que vous allez faire quand même. Donc c'est à nous de montrer l'exemple. C'est ça. Parfait, merci beaucoup.